précédemment dans la République de Platon. Ce qui me frappe dans ce texte, c'est l'articulation constante du désir, de la réticence, de la peur, même de la souffrance, mais en même temps d'une force qui oblige à y aller, à persister. C'est ce qu'il y a, à mon sens, de tout à fait exceptionnel dans la philosophie de Platon, c'est l'association extrêmement étroite du désir et de l'activité intellectuelle. La République de Platon, saison 2, épisode 3. Faut-il en finir avec la démocratie ? Madame la Présidente, serez-vous candidate à votre réélection ? C'était amusant tout à l'heure de me confier à vous sur mes tourments d'adolescente. Mais en vous parlant, j'arrêtais pas de m'imaginer le général de Gaulle se livrant à un tel exercice. Et je me disais que vraiment, il en aurait été incapable. Vous êtes en train d'éluder ma question. J'ai moi aussi passé un très agréable moment en votre compagnie, Karine. Et si certains de nos compatriotes qui ne s'intéressent pas à la politique m'ont trouvé sympathique, je m'en félicite. C'est sûr. Mais s'ils votent, en fonction de cela, nous avons un problème. Quand la personnalité prend le pas sur le programme, la démocratie s'affadit au point de se mettre en danger. La présidentielle est devenue un feuilleton, une série télévisée dans laquelle on confronte plus les images et les personnalités que les idées. Il est vital pour notre République de rééquilibrer les pouvoirs et de remettre de la délibération et de la démocratie là où aujourd'hui tout repose sur un homme ou une femme. C'est pourquoi je crois le moment venu de nous interroger collectivement sur ce qui fonde notre pacte démocratique. Bonjour Alain Badiou. Bonjour. Bienvenue sur les chemins de la philosophie. Avez-vous vu la série Baron Noir ? Pas vraiment, tout de même. Je crois en avoir quelques souvenirs, mais morcelés. Vous venez d'entendre un extrait, en tout cas, de la saison 3 de cette série où la présidente, car c'est une présidente de la République française, interprétée par Anna Mouglalis, prend la parole lors d'un entretien avec une journaliste, Karine Le Marchand. Elle est candidate à sa propre réélection. Elle le dit, elle fait le diagnostic suivant. Elle dit quand la personnalité du chef prend le pas sur le programme et sur les idées, la démocratie s'affaiblit et se met en danger. Est-ce ce danger que décrit Platon dans le livre 8 de la République dont nous allons parler ce matin lorsqu'il parle du basculement de la démocratie vers la tyrannie ? Le rapport de Platon à la démocratie, il faut aussi l'aborder à partir de ce à quoi elle succède. Parce que ce qui est de très intéressant dans les derniers livres de la République de Platon, c'est qu'il propose non seulement des analyses de structure des différentes politiques possibles, mais il retrace aussi des enchaînements historiques praticables. La démocratie ne survient pas n'importe quand. La démocratie survient en général dans la foulée d'une décomposition de l'oligarchie. Ce sont les enfants de Richard, les enfants du CAC 60 qui véritablement Richard comme adjectif assez au fond d'obéir à papa et qui vont lancer un peu partout l'idée démocratique sous la forme que Platon lui donne, hein, qui est une forme tout à fait particulière. Alors, il y a un point de genèse là, et que évidemment la force ou la faiblesse de la démocratie est aussi dépendante de son histoire et pas seulement de son être propre, ce qui prouve que Platon sait aussi ce que c'est que l'histoire. On l'accuse généralement d'être fasciné par l'éternité, mais il sait aussi ce que c'est que l'histoire. Et finalement, la démocratie, elle est en effet bâtie au départ, et c'est son vice propre aux yeux de Platon, elle est bâtie sur les intérêts singuliers d'un groupe initial largement constitué des fils à papa et des richards issus de l'oligarchie financière et commerciale. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est qu'en effet, dans la démocratie, la pulsion individuelle, finalement, la psychologie personnelle du personnel installé l'emporte sur l'idée de l'intérêt collectif ou d'un bien collectif, quelle que soit la nature de cette idée, et la corruption de la démocratie en tyrannie est inévitable. Voilà. Et donc, pour lui, la démocratie est coincée entre ce qui est l'héritage de l'oligarchie. Il y a quand même une forte compromission dans les affaires de toute nature, et dans le commerce, et aussi le rôle important joué par les héritiers, par ceux qui héritent, la masse de la population étant finalement laissée de côté. Mmh. Et coincé entre ça d'un côté, qui est son rapport à l'oligarchie, et de l'autre côté, ces dégénérescences propres, ces défauts propres, qui en effet se rattachent largement au fait que le primat de l'individu, tout simplement, le primat de la pulsion individuelle, l'emporte sur le souci du bien commun, et créant un désordre d'une nature telle qu'on va finir par souhaiter oui. la tyrannie. C'est ça, mais la question est de savoir si pour Platon, la démocratie est une forme de dépravation au fond d'un modèle idéal. Et il me semble que, oui, il n'est pas démocrate, hein, ça c'est absolument certain. Il n'est pas démocrate, mais il faut ajouter aussitôt qu'il n'est, il est encore moins partisan de l'oligarchie, c'est ça. Donc de la souveraineté financière, il ne la reconnaît pas du tout comme légitime politiquement, et il est alors violemment opposé au pouvoir personnel, c'est-à-dire à la tyrannie. Je voudrais remarquer d'ailleurs en passant que on a souvent parlé, on parle encore aujourd'hui à propos de Platon, de ce que la vision de Platon serait celle du roi philosophe. C'est absent de la République. Le personnel dirigeant de la société idéale telle que Platon le décrit n'est pas du tout une personne singulière. Donc ça n'est pas une royauté. C'est l'expression de roi, d'accord, de roi philosophe, parce qu'on a vu quand même les jours précédents qu'il appelait de ses vœux la présence d'une personne de formation philosophique à la tête au gouvernement, au fond. Et vous ah dites, oui, mais c'est pas un seul homme. Ah mais c'est pas un seul homme, voilà. C'est pas un seul homme. L'assemblée. C'est plusieurs... Vous voyez bien que dans le monde contemporain, roi philosophe est une expression qui ouvre au contresens. C'est vrai. C'est pas un monarque. C'est une direction collective, absolument, qu'il appelle les gardiens. Et les gardiens, c'est les gardiens de la justice dans la cité, finalement. C'est une collectivité, il n'en fixe pas le nombre, d'ailleurs, elle est très ouverte. Et je rappellerai au passage, parce que c'est intéressant aujourd'hui, que avec de grandes prudences et l'idée qu'il introduit quelque chose d'absolument terrible, il accepte que les femmes soient gardiens. Donc cet ensemble collectif est aussi un ensemble ouvert aux femmes. Mmh. Il y a donc un féminisme de Platon qui est très rarement observé. Et qui est ambivalent, parce que dans d'autres pages, on en a parlé ça justement, je crois que c'était la semaine dernière, hein, puisque nous proposons deux séries d'émissions sur la République de Platon, et je crois que c'est pas assez, hein, il nous en reste plus que celle-ci, oh oui, demain. Oh oui, oh oui. Et on est loin d'avoir épuisé le texte, mais justement on a pu voir cette ambivalence de Platon à l'égard du statut des femmes, qui en droit sont enfin pas en droit d'ailleurs, c'est mal dit, mais qu'elles peuvent prétendre au même poste que les hommes, mais elles sont plus faibles, dit-il, et donc voilà, il y a quand même oui, une différence. Oui, mais il faut tout de même prêter attention au fait que quand il présente cette idée, il est lui-même convaincu qu'elle est si extraordinaire, si étonnante, si inadmissible, que c'est tout juste s'il ose en parler. Mmh. Et il faut que les gamins qui l'interrogent le poussent un peu pour qu'il finisse par dire « Oui, une femme peut être gardienne ». Et alors ils lui disent ce qui est tout à fait frappant. Ils lui disent « Oui, mais il faut aussi se déshabiller pour faire la gymnastique. Est-ce que les femmes le feront ?» Et il répond « Oui, les femmes aussi, mmh. peu importe ». Alors, je dois préciser pour les auditeurs, cher Alain Badiou, que vous êtes ici en tant que spécialiste de Platon, comme tous mes invités cette semaine et la semaine précédente, mais aussi en tant que traducteur. Vous avez proposé votre traduction de La République de Platon, sous titre « Feuilleton philosophique », aux éditions Fayard, c'était en 2012. Et alors, c'est une traduction, on va dire, libre, qui se revendique comme telle, et qui essaye de traduire en des termes plus contemporains les problèmes que se posait Platon au 5e siècle avant Jésus-Christ. Est-ce que cette traduction, donc, elle a 10 ans maintenant. Oui, elle a 10 ans. Est-ce que vous la feriez différemment encore aujourd'hui? Ou est-ce que l'actualité de 2012, finalement, c'est la même que celle de 2022? Je pense que ce type d'entreprise est toujours ouverte à un perfectionnement, pour la raison que... Vous cherchez dans la langue un chemin qui va, d'une certaine façon, être un chemin accessible et ayant sa propre force à la fois du côté grec et du côté français. C'est-à-dire, vous renvoyez aux Grecs, mais vous renvoyez aux Grecs dans la perception du fait que le résultat, c'est-à-dire la traduction proprement dite, doit être dans une résonance contemporaine. Alors, ce type d'entreprise, évidemment, il est probable que c'est un type d'entreprise qui sera reprise différemment dans 50 ans. Mais pourquoi avoir entrepris une telle traduction ? Est-ce que ça veut dire que le texte de Platon était trop vieux, ne nous parlait plus ? Est-ce qu'on ne prend pas le risque, assumé sans doute, de réécrire à sa sauce un texte de philosophie qui semble ce que j'écrivais était au fond ce que me suggérait Platon à moi. C'est ça. C'est votre Platon. C'est mon Platon, inévitablement. Mais la traduction est une traduction, reste à mes yeux une traduction au sens fort, parce que m'identifiant fictivement à l'auteur, je me dis, s'il l'écrivait aujourd'hui, qu'est-ce qu'il écrirait ? Voilà. C'est un peu cette transfusion temporelle qui guide ma traduction. Et qui est donc, je l'appellerais volontiers une tentative de restitution, plutôt qu'une traduction, une tentative de restitution, à la fois du point de vue conceptuel, du point de vue narratif, du point de vue des personnages en jeu. Et finalement, il s'agit d'adresser la République de Platon au monde contemporain, en sachant que par ailleurs, on essaie quand même d'être fidèle à l'armature générale, aux pensées. Oui, tout en prenant vos distances, puisque justement, on a parlé la semaine dernière du fameux chapitre 5 qui pose problème, puisque Platon décrit dans sa cité idéale la mise en commun des femmes, des enfants. Il compare d'ailleurs le mode de sélection des enfants à une forme d'eugénisme. Il va jusqu'à tuer les enfants qui sont mal formés. Et alors, dans votre texte, finalement, vous vous dites, vous faites parler justement Socrate et vous dites, mais bon, peut-être que là, en fait, je crois que Platon a eu tort. Il n'aurait pas dû dire ça. D'ailleurs, moi, et je vous lis, profitant de l'occasion qui m'en est donnée par Badiou, je me lève ici solennellement contre l'interprétation de ma pensée par votre frère Platon. Comme ça, vous réglez vos comptes avec le passage problématique de la République. Non, mais absolument. Ce passage-là est un passage qui, d'ailleurs, a donné du grain à moudre à tous les anti-platoniciens pendant des siècles. Oui. Alors, effectivement, l'avocat que je suis se lève et dit « Oui, là, c'est quelque chose qui est enfermé absolument dans son propre temps. Je peux pas faire en sorte qu'une traduction soit fidèle à l'idée de l'eugénisme. » Parce que c'est après de ça qu'il s'agit. Il s'agit de sélectionner des enfants aussi parfaitement. Mais c'était pas pratiqué dans son temps. C'est pas une idée de son temps, ça, pour le coup. C'est pas à remettre sur le compte du changement d'époque. Non, c'est pas à remettre simplement sur le fait, mais le fait de d'écrire cela comme si c'était une idée neuve et admissible ne fonctionne plus, ne serait-ce que parce que il y a eu des tentatives, en réalité, entre-temps, de réalisation de ce point, et qu'on sait très bien qu'elles appartenaient à tout, sauf à quelques types de républiques que ça soit. Et donc, je l'ai d'ailleurs toujours annoncé dans les préfaces, il y a deux ou trois points dans l'ensemble de la République que, pour pouvoir finalement inscrire un nouveau type de fidélité à Platon comme philosophe, je suis obligé de caviarder. Et vous vous dites platonicien. Vous êtes platonicien. Je me dis platonicien parce que après tout, soyons clairs, quand on est un contemporain, se déclarer platonicien, ça ne veut jamais vouloir dire que l'ensemble du détail de ce que raconte Platon, on peut l'assumer. L'écart est gigantesque, les civilisations sont totalement différentes, etc. Et même quand il s'agit de choses aussi strictes que les mathématiques, même là, il y a eu de telles transformations, par exemple sur l'infini ou sur des choses de cet ordre, qu'on ne peut pas dire qu'être passionné de mathématiques, ça a le même sens aujourd'hui que du temps de Platon. Donc il y a forcément des soustractions, des modifications, des translations, mais on peut grosso modo se déclarer platonicien au regard, au fond, de ce qu'est la philosophie elle-même dans sa tentative de saisir dans toute chose, dans toute expérience, comment elle est pensable et comment on peut, d'une certaine manière, en traiter au niveau de ce que Platon appelle les idées. Voilà. C'est-à-dire cette conviction que toute chose, en dernier ressort, mais aussi toute expérience, toute histoire, est en communication avec une pensée possible, une pensée qui peut en être soit le projet, soit le bilan, soit les deux. Ça, c'est une idée platonicienne typique et c'est elle que je voulais faire revivre. Voilà. Ben, on va prendre un cas particulier aujourd'hui avec ce livre 8 et ce livre 9 de la République de Platon pour examiner si ce que vous venez de dire s'applique justement à cette entreprise-là. On va écouter le portrait du démocrate ordinaire. Alors, dans la République de Platon, livre 8, on lit ces phrases. Dans la traduction de Pierre Pachet, il dit « L'homme ordinaire, l'homme démocrate, confie toujours le commandement de son âme au plaisir qui surgit soudainement comme s'il s'était soumis au destin. » Jusqu'à ce qu'il en soit rassasié, puis il s'abandonne à un autre, et cela sans en mépriser aucun, mais en les nourrissant de manière égale. Il passe ses journées à satisfaire sur cette lancée le désir qui fait irruption. Aujourd'hui, il s'enivre au son des flûtes. Demain, il se contente de boire de l'eau et se laisser maigrir. Un jour, il s'entraîne au gymnase. Le lendemain, il est lassif et indifférent à tout. Et parfois, on le voit même donner son temps à ce qu'il croit être la philosophie. Voici votre traduction, Alain Badiou, de ce portrait de l'homme démocrate. La séduction marchande et monétaire a le pouvoir de vider un sujet de ses vertus et de le laisser nu et solitaire. Le sujet, ainsi purifié, est ensuite rempli à ras-bord d'insolence futile, d'anarchie autoritaire, de prodigalité avare, d'impudence médiocre. Toutes ces magnifiques dispositions s'avancent, la couronne sur la tête, au milieu d'un cortège infernal, où les derniers tubes des radios sont vociférés sur fond de basses qui font boum, boum, boum, comme si la terre tremblait devant un tel vacarme. Les noms changent les choses. Le mépris de tout ce qui n'est pas votre petite personne s'appelle autonomie du sujet humain. Être débarrassé de tout principe concernant la vie collective s'appelle liberté individuelle. Le carriérisme le plus sauvage prend le doux nom de réussite sociale. Se soucier tant soit peu des esclaves, des ouvriers, des petits employés, des paysans pauvres est stigmatisé sous le nom de populisme. Vanter les inégalités monstrueuses, la concurrence de tous contre tous et la répression policière des plus démunis s'appelle courage de partir des réalités. À cette école, évidemment, un jeune passe vite du monde des désirs nécessaires, trop étroits sans doute, dans lequel il a été élevé, à celui enivrant des désirs inutiles, pour la satisfaction desquels il est prêt à sacrifier toutes les vérités universelles conquises par la pensée humaine depuis l'aube des temps. France Culture, Les chemins de la philosophie. Géraldine Mosna-Savoie. Et non, c'est Adèle Van Rett, c'était un liner diffusé lorsque je n'étais pas là, je suis revenue, c'est bien moi. Ça n'a aucune importance, là je m'amuse du regard de Jean-Frédéric, c'est Nicolas Berger derrière la vitre. Et c'est donc Alain Badiou, mon invité aujourd'hui pour parler du livre 8 et du livre 9 de la République de Platon. On a entendu donc votre traduction d'un extrait du livre 8, ce portrait de l'homme démocratique, et je trouve votre traduction plus sévère envers l'homme démocratique que ne l'est Platon lui-même. Bien, nous avons une expérience de la démocratie beaucoup plus étendue que celle que pouvait en avoir Platon. Au fond... Oui, s'il faut préciser ça. De quelle démocratie parlait Platon à ce moment-là? La démocratie dont parle Platon, c'est la démocratie athénienne de son temps. C'est-à-dire, c'est une démocratie qui est, premièrement, qui n'est pas réellement une démocratie électorale au sens strict, mais plutôt qui est encore une démocratie d'assemblée. C'est-à-dire, c'est l'assemblée des citoyens qui se rassemblent. Elle a son côté un peu de masse, comme ça. Il n'y a pas de député. Et voilà. Il y a cela. Il y a le fait que, en vérité, elle est aussi corrélative et contemporaine d'une figure dominante de l'esclavage, sur lequel Platon, d'ailleurs, est particulièrement discret. Oui. C'est un point intéressant. Aristote, par exemple, tente de justifier philosophiquement l'esclavage. Platon n'en parle pas. Eh bien, il n'en parle qu'une fois dans le Méno pour expliquer qu'un esclave peut comprendre une difficulté mathématique comme n'importe qui. Voilà. Mais pas dans la République. Dans la République, non. Il n'y a pas de mention de l'esclavage. Pas un mot là sur la question de l'esclavage. Il est, par conséquent, ni validé ni condamné, il est, il est, Il est pratiquement absent. Donc cet ensemble constitue une vision de la démocratie qui est quand même très éloignée de la d'autres, étant entendu que finalement démocratie signifie que d'une certaine manière la nature du pouvoir est quand même sous diverses formes renvoyée au peuple, étant entendu que la définition du peuple devient du coup une question très importante. Mmh. Alors, je veux signaler que cette question du peuple reste très importante. En effet, chez Platon, il y avait la grande question, est-ce que le peuple ou les femmes sont absentes, et où les esclaves sont absents, est-ce que ce peuple n'est pas un peuple quand même extrêmement filtré, extrêmement réduit? Mais il est frappant de voir qu'aujourd'hui, la question de savoir quel peut être le statut en démocratie des ouvriers immigrés est une question mise à l'ordre du jour de façon tout à fait publique. Mmh. Donc, notre démocratie n'exclut nullement que des parties entières de la population soient soustraites, des gens qui sont là, soient soustraites à l'exercice du pouvoir. Et donc, démocratie est déjà par soi-même une détermination qui est différente chez Platon d'aujourd'hui. Mais je crois que Platon touche un point essentiel, malgré tout, dans sa description, à savoir que le héros potentiel de la démocratie telle que elle a toujours été conçue, c'est l'individu. C'est-à-dire, c'est la centration de la politique sur l'individu. Centration qui a des côtés imaginaires, en fin de compte. C'est-à-dire, c'est pas si vrai que ça, que l'individu quelconque participe réellement aux grandes décisions du pouvoir. Mais c'est quand même ce que la démocratie propose. Et je dirais que de ce point de vue, surtout la démocratie moderne est la politique appropriée à une certaine figure de l'individualisme, individualisme qui, au fond, est un individualisme concurrentiel, acceptable et repérable dans notre société, comme à certains égards il était repérable du temps de Platon. Ça, individualisme, on le voit dans le texte de Platon. Je dirais même que c'est bien la conception qu'il se fait de la démocratie, c'est que finalement, en lieu et place de politique, où politique voudrait dire la meilleure organisation collective de la société, on a le désordre des désirs individuels dont on fait une médiation approximative si l'on peut, quoi. C'est ça, pour Platon, la démocratie, c'est pas tant une constitution que l'absence de toute constitution et de toute exactement. Règle. C'est l'absence de toute règle collective significative au profit, au fond, des passions individuelles qui se combinent en réalité de façon qu'à un moment donné, telle passion peut être dominante par rapport à telle autre, mais qui, en fin de compte, ne constitue aucune détermination collective réellement définie, clairement définie. Alors, est-ce que le résultat pourrait ressembler à ça? Pour nous, il est interdit d'interdire. Nous, comme jeunesse, nous voulons une autre chose. Quoi exactement? Paix, liberté, c'est seulement important, votre cœur, votre personnalité. Il y a une grande poubelle dans laquelle tout le monde a mis toutes ses merdes. On a tout jeté. Dans la rue, dans la télévision, dans la radio, dans les journaux. Il s'est créé plein de journaux. Et puis chacun est venu chercher son petit truc. Ça a ouvert notre espace de liberté. Nous pouvons nous exprimer. Quelle belle chose pour une fois. Parler dans les rues, circuler sans être embêté. Est-ce que la démocratie telle qu'elle est examinée par Platon dans ce livre 8, Alain Badiou, donc comme forme de dissolution de l'ordre politique ressemble à ce désordre joyeux dans l'archive qu'on a entendu qui a eu lieu lors de mai 68. Ça ressemble et ça ne ressemble pas. C'est-à-dire que malgré tout, quand on examine de près mai 68, qui a été quand même pour moi un grand moment, on voit que et c'est un mouvement à plusieurs composantes distinctes. Il n'y a pas un seul courant de mai 68, loin de là. Justement. Ouais. Parce que il y a toute une série de phénomènes qui, à proprement parler, ne sont pas directement politiques. C'est-à-dire, vous avez un soulèvement étudiant, qui est un soulèvement, en fait, qu'on peut dire collectif, mais dont les attendus politiques sont pratiquement indéchiffrables. Il y a quelques revendications précises sur l'organisation des études, etc. Il n'y a pas de point de vue général sur l'organisation politique, et on pourrait dire que c'est un mouvement revendicatif, plutôt. Oui. Voilà. C'est-à-dire un au nom de la liberté. C'est exactement. Ouais. Donc un mouvement qui, dans la distinction classique entre action politique et action syndicale, un mouvement qui serait syndical, plutôt. Par ailleurs, il y a des revendications ouvrières, et c'est évidemment la conjonction des deux qui définit en réalité B68, la simultanéité des deux. Il y a des revendications ouvrières qui, pour l'essentiel, doivent être considérées de la même façon. C'est-à-dire, ce sont des revendications ouvrières concernant ce qui se passe dans les usines. Allant depuis la revendication d'une augmentation de salaire jusqu'à des revendications de qu'on pourrait dire de plus grande liberté dans le travail, de moindre dépendance à l'encadrement, etc. Si on prend tout ça, on y voit un vaste mouvement populaire au sens large, mais dont les attributs proprement politiques sont extraordinairement flous et où, pour l'essentiel, on a des revendications qui s'adressent à l'État tel qu'il est. Au demeurant, quand on procédera aux élections, on verra que c'est l'État comme il est qui sera réélu très, très, très facilement. En 68, vous voulez dire ? Oui, en 68, ouais. En 68, bien sûr. Mais comment on s'apprête à voter ? Voilà, et donc la politique existe en 68, mais elle n'existe pas comme un attribut essentiel de la figure qui est celle du mouvement de mai 68. Il y a une invention politique, qui est une invention politique interne à cette grande démocratie de masse, et qui propose des orientations nouvelles, particulièrement du point de vue d'une extrême gauche, qui serait celle d'un communisme renouvelé ou d'un socialisme transformé, etc. Mais tout ça accompagne le mouvement, en fait partie, mais n'en est pas le sens général. Et d'ailleurs, en fin de compte, mai 68 et jusqu'aux années 70, du point de vue politique, se soldera par pratiquement rien. Oui, mais justement, c'est cette liberté-là qui, pendant un temps en tout cas, n'aboutit pas à une proposition politique concrète, que pointe Platon dans son portrait de la démocratie. C'est ce qui lui pose problème d'ailleurs. Oui, c'est une absolument. Liberté qui ne produit rien et qui est sans ordre et qui est exactement. Et guidée par la passion. Ce que Platon remarque, mais on peut tout de même le vérifier à certains égards en mai 68, c'est que cette figure désordonnée va finalement fatiguer par son désordre même et faire apparaître une aspiration à l'ordre. Voilà. Voilà. D'où l'émergence du tyran. Alors en 68, il n'y a pas eu d'émergence du tyran, parce qu'il était déjà là, d'une certaine manière. Il a quand même suffi d'une grande intervention de De Gaulle pour que le mouvement soit ébranlé et ce pouvoir gaulliste a organisé des élections et les a gagnées. Oui, c'était pas un tyran non plus. C'était pas un tyran, mais c'était le... Il a été élu. Là aussi, tyran... c'est un concept grec. Tyran, ça signifie ce qu'on voit chez d'autres, chez les Perses par exemple, ou en Égypte. Voilà, là on voit des tyrans. Alors aujourd'hui, tyran, ça n'a pas le même sens, mais... Dans votre traduction, vous traduisez par fasciste. Oui. Non, mais je pense que c'est ça qu'il a dans la tête. C'est ce qu'il a en tête, et on va le voir dans son portrait du tyran. Du tyran malheureux. C'est pas un honorable président de la République, hein. C'est le tyran pour Platon. Le tyran pour Platon, c'est un dictateur fascisant, qui va rétablir l'ordre dans la violence. Mais sans doute, c'est pas terminé comme ça. Mais il s'est terminé quand même par la forme la plus autoritaire concevable dans le parlementarisme. À savoir une intervention absolument personnelle de De Gaulle. De Gaulle qui était une personnalité tout de même, si je puis dire, relativement exceptionnelle dans la démocratie parlementaire et faisant jouer le fait que l'ordre serait rétabli. Le gouvernement a fait savoir qu'il était allé se renseigner auprès quand même de ce que l'armée pensait de tout ça auprès des généraux qui occupaient l'Allemagne avec les troupes françaises. Donc c'était pas non plus quelque chose de totalement démocratico-parlementaire, cette affaire. Il y a eu une intervention. C'est pas fasciste non plus. Mais est-ce que ça veut dire que le dévoiement de la démocratie en tyrannie est inéluctable? Pour Platon, il a l'air de penser que c'est le cas. Oui, je pense que Platon pense cela, mais que on peut en tirer une leçon différente. dire directement que la démocratie engendre nécessairement la tyrannie, c'est quelque chose qui est de l'ordre des catégories politiques réellement existantes dans l'univers antique. Là, on voit ce que ça veut dire. Si on essaie de le transposer tel quel aujourd'hui, il va y avoir quand même des choses qui ne fonctionnent pas. Je pense qu'il faut l'entendre comme ça. C'est-à-dire, pour autant que la démocratie absente petit à petit les courants idéologiques forts qui en rassemblent les composantes, alors elle crée réellement un désordre politique périlleux. Comment ce désordre va-t-il être résorbé? On ne le sait pas et c'est probablement variable. Mais je pense que ce qu'on peut retenir de l'idée de Platon, c'est que quand, d'une certaine façon, les revendications collectives ou individuelles prennent absolument, qui sont légitimes, mais prennent absolument le pas sur des propositions idéologico-politiques organisées, alors on est quand même proche d'une situation dont le contrôle sera difficile à retrouver. Oui. Et je pense que nous sommes en ce moment, et pas seulement nous, mais d'une certaine façon tout le système parlementaire occidental, appelons-le comme ça, est dans une difficulté considérable qui est platonicienne, d'une certaine façon, je l'appellerai comme ça, parce que ce n'est pas une difficulté de fonctionnement avec une proposition alternative claire, c'est pas du tout ça, ça continue comme c'était, mais c'est un progressif délitement, une sorte de décomposition des figures idéologiques, des grandes figures idéologiques qui animaient tout de même la démocratie au niveau de la pensée politique. Et en réalité, ça prend un aspect très frappant en France aujourd'hui, qui est la totale décomposition de la gauche. Ça s'appelle comme ça, voilà. Alors, finalement, ce qui ne va pas, ce qui est créé quand même par l'extension du désordre et de l'individualisme, c'est que l'opposition, sans laquelle en réalité il n'y a pas de démocratie parlementaire fiable. Tout à fait. L'opposition entre une majorité et une opposition, mais majorité-opposition qui doivent être définies du point de vue des intentions politiques véritables, malgré tout, c'est le minimum, et pas des avantages ou des désavantages. La décomposition de cela, très, très avancée chez nous, est une crise de la démocratie qui ressemble quand même à ce que Platon annonce, étant entendu que cette ressemblance n'est pas une identité, mais tout de même qu'un certain fonctionnement de la démocratie, mettre à l'ordre du jour une tentation pour une autorité supérieure qui comblerait ce désordre et rétablirait un ordre fictif, existe et que Platon en avait anticipé l'existence. Ça veut dire que l'étape qui nous attend, la prochaine étape, c'est la tyrannie en France ? Je ne dis pas que la prochaine étape mécaniquement sera la tyrannie, parce que peut-être va-t-il y avoir des reconstitutions à l'intérieur du désordre, des reconstitutions idéologiques. Après tout, il faut quand même bien voir que dans l'histoire des démocraties occidentales, l'apparition de nouveaux courants structurant en réalité les oppositions politiques s'est fait historiquement. Elle n'a pas été initiale. Au fond, toute la fin du XIXe siècle a été occupée par la constitution et l'apparition de la force importante des partis sociaux-démocrates, notamment de la social-démocratie allemande, qui était quasiment une sorte de modèle. Et puis on sait très bien que après, dans les années 30, on a vu apparaître les partis communistes comme des puissances organisées du débat parlementaire. Et même encore jusqu'à une période pas trop éloignée, minimalement, on avait une opposition entre la gauche et la droite. Mais après l'opposition entre la gauche et la droite, on ne voit plus la possibilité d'aucune opposition. Et ça, Platon a raison, ça dérègle la démocratie. Alors le tyran pour Platon, qu'il examine au livre 9 de la République, n'est pas un monstre exceptionnel, c'est quelqu'un qui parvient à réaliser dans l'espace démocratique la légitimité de son propre désir. Ce tyran, autrement dit, ça pourrait être par exemple Macbeth de Shakespeare, le tyran malheureux. On va entendre Macbeth et puis ensuite votre traduction du malheur du tyran selon Platon, Alain Batiot. Qui pleure ? Les femmes, monseigneur. Il fut un temps où mes sens se seraient glacés d'entendre un cri la nuit. mais je suis sous d'horreur. La cruauté familière à mes pensées d'assassin ne peut plus rien contre moi. Qui pleurait-on ? La reine, sire. Elle est morte. Éteins-toi. Cours, flambeau. La vie n'est qu'une ombre en marche. Un pauvre acteur qui se pavane. Il s'agite une heure en scène. Et puis on ne l'entend plus. C'est un conte dit par un idiot. Un conte plein de bruit et de fureur, et qui ne signifie rien. Prends-toi, lâche. Reste en vie pour que l'on te montre, pour que l'on t'expose comme l'on fait des monstres, en disant, ici, l'on peut voir le tyran. Je ne vais pas me rendre. Les tyrans ont été dans leur vie privée identiques à ce qu'ils sont lorsqu'ils exercent le pouvoir. Ou bien ils se sont entourés de flatteurs prêts à servir leur infamie jusqu'au bout. Ou bien, s'ils ont eu besoin d'obtenir de quelqu'un une faveur, c'est eux qui se sont fait chien couchant, se glissant dans la familiarité de celui dont la faveur dépend, pour jouer tous les rôles du fidèle larbin, quitte à disparaître, et à se comporter en parfaits étrangers, voire en ennemis impitoyables, dès qu'ils ont eu ce qu'ils voulaient. C'est pourquoi ces gens-là, dans leur vie entière, ni n'aiment, ni ne sont aimés, étant toujours ou tyrans ou esclaves. Un fasciste ne goûtera jamais ni à la liberté, ni à l'amitié. Le pire des hommes, c'est celui qui est éveillé et toujours ce que l'homme de bien n'est qu'en songe, et rarement. Pour tomber dans cet état misérable, il faut que, appartenant très tôt au type humain fasciste, on soit parvenu, à force d'intrigues et de violences, jusqu'à l'exercice solitaire du pouvoir. Et plus cette solitude dure et s'augmente, plus la corruption tyrannique dévore le sujet qu'elle habite. La tyrannie est la solitude de qui a perdu le pouvoir d'aimer et n'exerce ainsi que le vain pouvoir de vouer à la mort et les autres et lui-même. C'est votre traduction, donc, Alain Badiou, du portrait du tyran de Platon que nous venons d'entendre, lu par Bernard Gabay. Est-ce que ce tyran, alors, est-ce que Macbeth correspond au tyran tel que le dépeint Platon ? Oui, je pense que c'en est une figure plus contemporaine. Oui, oui. D'ailleurs, dans l'extrait qu'on a entendu, il vient d'apprendre que sa femme vient de se tuer. Et bon, finalement, ça lui inspire une réflexion sur le monde qui va mal, mais pas sur lui-même. Absolument, absolument, absolument. Qu'en est-il du tyran contemporain ? Est-ce qu'aujourd'hui, cette figure-là existe encore ? Je pense pas que le tyran, et plus généralement la tyrannie, soit immédiatement à l'ordre du jour dans les démocraties parlementaires occidentales. On trouverait des tyrans ailleurs dans le monde. Il y a de nombreux pays du tiers-monde dans lesquels il y a des tyrans. Hein, c'est pas. Mais puisque nous sommes dans la question du glissement entre démocratie et tyrannie, je pense que ça n'est pas comme tel à l'ordre du jour. Mais que ça finisse par arriver n'est pas exclu. Ça va dépendre, à mon avis, de façon principale, de la question de savoir si un courant autre, c'est-à-dire un courant favorable à la politique de Platon, celle qu'il explique après, c'est-à-dire au fond un courant porteur d'une conception de la politique réfléchie comme courant de pensée, avec un programme d'action essentiellement axé sur des possibilités égalitaires, etc., etc. Le communisme. Voilà. Et si quelque chose comme ça ne réapparaît pas, je ne vois pas où nous allons quand même. Je ne vois pas où nous allons. Alors, est-ce que ce sera exactement à la tyrannie au sens de Platon? Je n'en sais rien, mais que se produise une tentation du pouvoir personnel, d'une figure quelconque du pouvoir personnel, je crois qu'on ne peut pas du tout l'exclure si le désordre et la disparition des courants idéologiques qui structuraient le parlementarisme classique se poursuit. Je pense qu'à un moment donné, je crois que l'analyse de Platon est correcte sur ce point, le seul recours au fond à la virulence individualiste des citoyens ne permettant pas de sortir du désordre de l'État, et pour que l'État continue ou persiste dans son existence, on aura recours à des solutions plus autoritaires. Je voudrais signaler ici que c'est tout de même ce à quoi j'ai, dans une forme mineure, assisté dans ma vie politique. Car la guerre coloniale en Algérie n'a pas pu se poursuivre sans dévorer, d'une certaine manière, le système parlementaire tel qu'il était. Elle n'arrivait ni à régler la question militairement, ni à la régler de façon négociée. Donc on avait l'impression que c'était infini, que ça allait durer toujours, qu'il y aurait toujours la guerre d'Algérie, laquelle, il faut le rappeler, envoyait des millions de jeunes gens tués ou se faire tuer en Algérie. Et finalement, la solution a été un coup d'État militaire permettant en 58 à De Gaulle d'arriver au pouvoir. Alors je ne veux pas comparer De Gaulle à un fasciste, ce serait inexact. Mais enfin, il est arrivé là sous la forme du pouvoir personnel. Et il a fait voter une constitution qui, depuis, instruit la démocratie française au régime quand même d'une figure centrale, le président de la République, hérité, c'est pas exactement le despote tyrannique au sens de Platon, mais c'est quand même une autorité personnelle qui s'est trouvée prendre une importance considérable dans la Constitution nationale, et ce, à partir d'un désordre de la démocratie créé par la guerre coloniale que finalement l'État n'arrivait ni à gagner ni à accepter de perdre. Oui, même si c'est pas la démocratie elle-même qui produit le colonialisme. Le colonialisme est le fait des dirigeants, pas du peuple lui-même. Oui, absolument. Mais d'une certaine manière, l'Occident a été longuement habitué au renfort colonial, si je puis dire. Mais la question que pose Platon, et donc que je vous pose, c'est quand même, est-ce que la démocratie est-elle responsable de tous nos maux? Est-ce que c'est la démocratie le problème? Pour Platon, oui. Pour Alabandiou, je sais pas. Je ne pense pas que la démocratie soit responsable de tous nos problèmes, parce que je pense que ce qui est responsable de tous nos problèmes, en dernier ressort, c'est le capitalisme avancé, dont la démocratie parlementaire est la forme d'État partout acceptée, d'une certaine manière, bien sûr. Donc, ultimement, la cause fondamentale du désordre est moins l'agencement démocratique que les puissances réelles qui arrivent à tramer leur chemin dans cette figure de l'État. D'ailleurs, ça, Platon, alors je ne sais pas s'il le pense directement, mais il pense justement l'influence du rôle de l'argent, du désir de possession monétaire dans le régime politique. Absolument, c'est ce que j'allais vous dire. Ouais. C'est présent tout de même chez Platon. C'est tout de même présent dans le désordre. Au fond, il décrit la démocratie comme une anarchie, lui, principalement. Alors, dans l'anarchie démocratique telle qu'il la conçoit, ce qui trace son chemin et ce qui commande la plupart des décisions, c'est finalement quand même le goût de l'argent, le goût d'une bonne vie paisible, le goût de la supériorité même, et tout cela finit par, en fait, rendre impossible un accord général des citoyens sur ce que doit être l'État. Et je pense que c'est dans ce désaccord que l'accord est rétabli provisoirement par l'apparition d'une personnalité issue du débat lui-même et qui va être reconnue comme ayant les qualités nécessaires pour exercer toute seule le pouvoir. Alors comment enrayer ce glissement de la démocratie vers la tyrannie, du désordre vers le surplus d'ordre? Pour Platon, la solution, c'est ce qu'on pourrait appeler aujourd'hui le communisme, n'est-ce pas? Absolument. On a posé la question jeudi dernier, c'était avec Fulcran Tesserin, de savoir si Platon était communiste. Vous répondez oui. Je voudrais rappeler à ce propos qu'il a toujours été considéré comme tel par les révolutionnaires du XIXe siècle. Au XIXe siècle, quand est apparue l'idée communiste, Platon a été très naturellement, chez les intellectuels qui connaissaient son existence, a été très naturellement considéré comme un communiste. Et je voudrais rappeler qu'en effet, le pouvoir chez Platon est exercé, on l'a dit tout à l'heure, par un collège dont Platon tient absolument à préciser qu'il ne possède rien. C'est-à-dire, les gardiens de la cité, Platon le dit, ne doivent avoir aucune fortune. Alors, déjà ça serait pas mal, comme point nouveau. Alors, par ailleurs... Aucune femme, aucune vie privée, au fond. Aucun intérêt, il ne doit avoir aucune possession. Il ne doit avoir aucune possession sur la vie privée. C'est assez complexe, parce qu'il parle quand même de ce que doivent être les enfants... mise en commun dans le régime, qu'il faut qu'ils soient soustraits à leurs parents. On en revient à ce qu'on disait tout à l'heure, c'est la parenté. Un communisme très dur, très extrêmement dur. Ouais. Non mais il y a pas le cachet. Le communisme platonicien est un communisme dur. Je crois qu'il serait tout de même très fallacieux de le qualifier de totalitaire. Qu'il soit dur, qu'il soit au fond, une sorte d'imposition de l'idée à la masse des gens par la médiation des gardiens, qui ressemble à un parti quand même, les gardiens, parce qu'ils ont une vie particulière, mais c'est une vie austère, c'est comme un ordre monastique. Les gardiens, ce sont les gardiens de la République, au fond. Ce sont les gardiens de la République, absolument. Ils font en sorte que la politique puisse avoir. Ils sont là pour que la République demeure, absolument. Et alors, ça, c'est ce qui fait que... Et tout ça a été revendiqué comme méritant l'épithète communiste pendant tout le 19e siècle. Et de fait, c'est tout à fait injuste de dire que Platon était totalitaire, parce que il ne fait état ni à proprement parler d'une idéologie commune, ni du caractère dictatorial du pouvoir. C'est pas comme ça qu'il raisonne. Il raisonne en se demandant d'où peuvent sortir les nouveaux dirigeants. Et les nouveaux dirigeants doivent avoir des qualités qu'on peut définir. Après, le problème de savoir s'ils existent vraiment, si on va réellement avoir ce régime, etc., fait partie de la discussion finale de Platon. Ce qui est encore une discussion qu'on a aujourd'hui sur le communisme, justement. Absolument. Dans quelle mesure n'est-ce pas qu'une utopie ? C'est tout à fait normal qu'elle ait lieu, puisque le bilan des deux premières étapes du communisme a été négatif, finalement. Donc, la discussion est ouverte, absolument, pour savoir ce que peut être sa troisième étape. Moi, je pense qu'il y a des points d'appui possibles pour cette discussion, mais c'est une discussion absolument nécessaire, et elle se fait sur le fond... En réalité, pour l'instant, de la disparition complète de l'idée communiste dans le débat général. Mais c'est historique. Si on s'appuie sur Platon, si on cherche à voir qu'est-ce qu'on peut tirer de Platon sur ce point, il est absolument évident que ça revient à dire qu'une sorte d'éducation politique est devenue absente ou difficile, que du coup la politique est livrée soit à l'anarchie, de la démocratie corrompue, soit finalement la dictature des grands intérêts, voilà, disons-le comme ça en termes modernes, et que pour sortir de ça, il faut en effet que d'une manière ou d'une autre se réorganise un courant politique propre qui mériterait, à mon avis, le nom maudit de communisme. Rappelons, et ça va dans votre sens, Alain Badiou, que l'objet principal de la République de Platon, dès les premières pages, c'est pas la politique, c'est la justice. Absolument. Et qu'au fond, c'est en proposant une réflexion sur ce qu'est l'essence même de la justice, en proposant ce qui est sans doute, pour la première fois dans l'histoire de la pensée, un concept de justice, qu'il en arrive à réfléchir au meilleur gouvernement possible pour atteindre cette idée de justice. Ah, absolument, mais d'ailleurs il a bien raison. En un certain sens, les mécanismes généraux de la gestion de l'État sont une chose. Le règne de la justice, c'en est une autre. L'appropriation de l'un à l'autre, c'est ça la question politique de fond. Quel est l'État quelle est la forme et le contenu de l'État qui serait apte à créer et entretenir une situation de justice au sens de Platon. Mm-hmm. C'est ça qui doit animer la politique. Ce qui caractérise aujourd'hui la politique, c'est qu'elle est piteusement réduite à elle-même. Voilà, on peut dire ça. C'est-à-dire, il faut pourvoir les postes, quoi. Après, là, il y a quelques discussions sur ceci ou sur cela, mais elles sont secondaires. Et c'est pour ça que nous sommes dans le désordre. Et nous sommes... Je suis très frappé dans le texte de Platon quand il dit que finalement, la tyrannie, c'est-à-dire le comble de la mauvaise politique, c'est en fin de compte le règne de l'instinct de mort. C'est le règne de l'instinct de mort. Et là, je dirais, il faut prendre l'instinct de mort au sens de l'instinct de mort de la politique, précisément. De la politique en tant qu'elle serait recherche de la justice collective. Si on en est réduit, finalement, à l'alternative entre démocratie et tyrannie, si on est coincé, en quelque sorte, dans cette dualité-là, c'est-à-dire, au fond, au sens de Platon, si les idées ont disparu et qu'elles sont remplacées par les intérêts, alors ce qui règne dans la société est l'équivalent de l'instinct de mort. Et je trouve juste qu'il déclare que l'horizon collectif du règne de l'individualisme, c'est-à-dire du déchaînement de la valeur de l'intérêt personnel, prépare la mort des sociétés. La question étant, celle qui reste, qui sera peut-être l'objet d'une autre émission à la Badiou, c'est que faire de la liberté dans ce cas ? Parce que c'est peut-être la liberté qui n'a plus la place. Absolument. Sa place. Et d'ailleurs, ça nous enseigne une chose très importante, que la liberté ne peut pas être le point de départ des choses. Elle doit en être le résultat. En tout cas, le tyran est seul au sommet, c'est Randy Newman qui le chante. Merci infiniment à la Badiou d'être venu nous parler de Platon ce matin. Merci à vous. My pick of any girl, you'd think I'd be happy, but I'm not. Everybody knows my name, but it's just a crazy game. Oh, it's lonely at the top. Listen to the band they're playing just for me. Listen to the people paying just for me. All the applause, all the praise, and all the money that I have made. Sur France Culture, les chemins de la philosophie, il est temps de retrouver la chronique de philosophie quotidienne de Frédéric Worms, le pourquoi du comment. Pourquoi y a-t-il eu des iconoclastes ? Il y a un terme un peu technique en apparence, d'origine grecque, mais qui est resté dans la culture de tout le monde comme le signe d'un enjeu politique majeur et peut-être métaphysique, peut-être aussi théologique. Autour de la question des images, c'est ce terme des iconoclastes. On appelle iconoclastes ceux qui veulent détruire les images. C'est le sens de l'étymologie, les icônes étant les images ici, et le fait de les détruire s'opposant au fait de les adorer. Mais à l'opposé des iconoclastes, les iconodules qui s'y opposaient dans la Byzance chrétienne du début du christianisme, les iconodules, eux, ont laissé une trace beaucoup plus faible dans la mémoire. Il y avait pourtant, dans la querelle dite des iconoclastes, deux pôles fondamentalement opposés, encore présents probablement dans toutes les cultures et toutes les religions du monde. D'un côté, ceux qui adoraient les images, les icônes, et encore aujourd'hui, dans beaucoup de cultures religieuses, il y a dans l'image l'idée d'une présence réelle, pas d'une représentation, mais d'une action effective de l'être qui est